إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين عليكم بتقوى الله وطاعته فما أسعدكم إن أطعتم واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال كذلك واتقوا الله ويعلمكم الله وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة واعلموا رحمكم الله أن من أوجب الواجبات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فهذه أصول الإسلام كما قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام فإن الواجب علينا معشر المسلمين معرفتها وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة فيجب علينا تعليمها لأولادنا ونسائنا وذوينا ومجتمعاتنا الإسلامية وأن نفهمها ونتقبلها ونؤمن بها كإيمان السلف الصالح وكما تقبلها الخلف عنهم بالرضا والقبول وصدق الله العظيم في وصف حالهم وإخلاصهم والدعاء لله بقولهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الشاهدين بوحدانيتك فعقيدة المسلم الصحيحة هي الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله تعالى بما شرع قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا الحديث وأنه تعالى هو الحق ووعده ولقاؤه حق وكتابه حق ورسوله حق وأن الجنة حق والنار حق. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وأن الساعة حق آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته كما يرى القمر ليلة البدر. هذه عقيدتنا آمنا بالله ربا ومدبرا ومصرفا لأمور الخلق ومربيا لجميعهم بنعمه الظاهرة والباطنة وأنه يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده مقاديد الأمور كلها وهو على كل شيء قدير وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ونؤمن بملائكة الرحمن وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن برسل الله وكتبه السابقة إيمانا مجملا كما ورد في القرآن والسنة قال تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى غير ذلك. ونؤمن بالبعث بعد الموت وأنه حق لا ريب فيه لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ونؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأنه يقع بقضاء الله وتقديره لقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل ما تجري به الأخدار المقدرة في علم الله من أحوال الناس من المنافع أو المضار والمكاره والمسار والحوادث والأحداث والصحة والمرض والخصب والجدب والخير والشر والسعادة والشقاوة والحياة والموت وغير ذلك كلها تجري بقضاء الله وتقديره وإرادته سبحانه وتعالى. ونؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كما وصف تعالى نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا سمي ولا كفء ولا ند له ولا قياس بخلقه تعالى وتقدس وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا وهو تعالى ذو الكمال المطلق من جميع الوجوه. ونؤمن أن القرآن العظيم كلام الله تكلم به حقيقة وأنه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود قال تعالى الله أنزل الله نزل أحسن الحديث وقال ومن أصدق من الله حديثا وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أحوال الناس بعد الموت وبنعيم القبر للمؤمنين وعذابه للمجرمين يوم يقوم الناس لرب العالمين ونؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته أهل السنة والجماعة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأن الصراط منصوب على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم الصالحة ونؤمن بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهو أول شافع ومشفع بعد الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو تعالى يرضى عن أهل التوحيد ويأذن بالشفاعة لهم وأما المشركون فليس لهم من شفاعته صلى الله عليه وسلم نصيب لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللهم شفع فينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وأولئك المقرب وأوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحي القيوم الذي قامت بأمره وعدله السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Chers musulmans, faites preuve de piété envers Allah et obéissez-lui pour gagner la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le plus grand devoir, la plus grande obligation qui est demandée aux musulmans, c'est de connaître son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les fondements de base de l'islam, comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous est rapporté dans le hadith de Jibril alayhi salam, dans lequel il questionne le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est un devoir pour nous, en tant que musulmans, de connaître ces fondements de base, et qui forment la croyance et le dogme du groupe sauvé, de la faction rescapée, les gens de la sunna et du consensus. Il est un devoir pour nous de l'enseigner à nos enfants, à nos épouses, à nos proches et à nos communautés musulmanes, et de comprendre ces fondements de base, de les accepter et d'y croire comme y a cru les pieux prédécesseurs. et comme les successeurs l'ont hérité des prédécesseurs, avec satisfaction, acceptation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai lorsqu'il nous parle des gens de la foi et de la croyance, et il nous montre leur état de foi, leur sincérité, lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en disant, dans le sens du verset, « Ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre, et nous avons suivi le messager, écris-nous avec les témoins. » C'est-à-dire, avec les témoins de ton unicité. Donc, le dogme du musulman authentique, c'est d'avoir la foi en Allah, la sincérité et de l'adorer comme il a légiféré. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens des versets, « Et certes, nous avons envoyé à chaque nation un messager pour inviter son peuple à l'adoration d'Allah et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » De même qu'il dit dans l'autre verset, dans le sens du verset toujours, « Et adorer Allah et ne lui associer rien. » Et dans les deux authentiques, dans le Sahih de Bukhari et celui de Muslim, d'après Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, qui dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, c'était un âne, et Mu'adh était assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures et quel est le droit des créatures sur Allah? Alors Mu'adh a dit, Allah et son messager savent plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtiera pas une personne qui n'a pas commis d'association, qui n'a pas fait de polythéisme. Et que Allah est vérité. Et que sa promesse est vérité. La rencontre d'Allah est vérité. Son livre est vérité. Son messager est vérité. Le paradis est vérité. Le feu est vérité. Tout est vrai dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux authentiques, d'après Ubad ibn Samit radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah et qui n'a point d'associé, et que Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah, et que Isa est le serviteur et le messager d'Allah, et son verbe qu'il a insufflé à Maryam, Marie, la mère de Isa, alayhi salam, et qu'il est une âme émanant de lui, et que le paradis est vrai, que le feu est vrai, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il aurait commis. Et que l'heure est une vérité, elle viendra, sans aucun doute, et qu'Allah ressuscitera les habitants des tombes. Et que les croyants verront leur Seigneur, verront Allah le jour du jugement dernier, sans aucun souci. Ils pourront le voir sans aucun problème, de même que les gens arrivent dans ce bas monde à voir la pleine lune. Voilà notre conviction et notre croyance. Nous croyons en Allah comme Seigneur et que c'est lui qui décide de toutes choses dans sa création et que tout émane de lui et c'est lui qui donne les bienfaits à toutes ses créatures, qu'ils soient des bienfaits intérieurs ou extérieurs. Et c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. Et c'est lui le vivant qui ne meurt pas. Il possède toutes choses et il est capable de toutes choses. Et nous croyons en l'islam comme religion et en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Et nous croyons aux anges, les anges du tout miséricordieux et qui sont des serviteurs qui sont touchés par la grâce d'Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils accomplissent ce qu'il leur ordonne. Et nous croyons aux messagers d'Allah et en ses livres envoyés auparavant. On a la croyance aux messagers et au livre d'un point de vue général, sans dire le nombre, et plus précisément en nombre et les noms, comme ils ne sont cités dans le Coran, ainsi que dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le sens du verset, et croyez en Allah et en ses messagers, et si vous croyez et vous faites preuve de piété, alors vous aurez une grande récompense. Et dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, le messager a cru en ce qu'on lui a fait descendre, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et nous croyons à la ressuscitation après la mort et qu'Allah est vrai. Allah nous dit ceci parce qu'Allah est la vérité et qu'il donne la vie et qu'il fait revivre les morts et qu'Allah est capable de toutes choses et que l'heure viendra sans aucun doute et qu'Allah ressuscitera les habitants des tombes. Et dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit, certainement vous serez ressuscités et on vous informera sur vos œuvres que vous avez accomplies sur terre et ceci est facile pour Allah. Et nous croyons au destin, bon ou mauvais, qu'il soit sucré ou amer, c'est-à-dire que la personne, ce qu'il subit dans ce bas monde, hein, que ce soit une chose qu'il aime ou qu'il déteste, on y croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et que ce destin arrive avec la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme il nous l'a écrit, Allah dit dans le sens du verset, certes, chaque chose, nous l'avons créée d'après une prédestinée. Donc, toutes les prédestinées qu'il y a, tout ce qui peut se passer a été destiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela concerne les états des gens, le bien et le mal qui les touchent, la facilité et la difficulté, les accidents, la maladie, la bonne santé, hein, les bonnes récoltes ou la sécheresse, le bien et le mal, le bonheur, toute chose est déjà prescrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la mort et la vie. Et nous croyons au plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs élevés, comme Allah nous les a démontrés dans son livre et sur la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme Allah nous le dit dans le sens du verset, rien ne lui est semblable et il est l'audient et l'omnipotent. Donc, il n'y a aucun qui est l'égal d'Allah, ni son semblable. Et on ne compare Allah à aucune de ses créatures. Qu'Allah soit élevé sur ces choses-là. Et qu'Allah se connaît mieux. Et il connaît mieux les personnes que eux se connaissent. Et Allah a la parole la plus véridique et il a la meilleure des paroles. Et il a la perfection totale dans tous les sens du terme. Et nous croyons au Saint-Coran et qu'il est la parole d'Allah. Réellement, Allah a parlé et qu'il a révélé ce Coran qui est incréé. De lui provient ce Coran et vers lui il retournera. Allah nous dit dans le sens du verset, Allah a fait descendre la meilleure des paroles. Et dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, et qui est plus véridique dans sa parole que Allah. Et dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, et à ceux à qui on a donné le livre, c'est-à-dire les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et à ceux à qui on a donné le livre, ils savent que ceci descend de ton Seigneur avec vérité. Et nous croyons en tout ce qu'il y a dans le livre et dans la sunna concernant l'état des gens après la mort et les récompenses qu'ils auront, les délices qu'ils auront dans la tombe ainsi que les supplices dans la tombe, les délices qui seront pour les croyants et les supplices pour les criminels et les mécréants, le jour où les gens se leveront pour le Seigneur des mondes. Et nous croyons au fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, dont viendra boire là-dedans tous les croyants, la communauté du prophète en sallam, les gens de la sunna, ceux qui suivent la tradition du prophète en sallam. Son eau, l'eau de ce fleuve, est bien plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Celui qui boit une seule gorgée de ce fleuve n'aura plus jamais soif. Et que cette passerelle, As-Sirat, ce pont, on croit au pont qui est mis au-dessus de l'enfer, et que toute personne passera là-dessus, et chacun a la il aura la vitesse selon les bonnes œuvres qu'il aura accomplies dans ce bas monde. Et nous croyons en l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. Et c'est le premier qui intercédera et le premier à qui on accordera l'intercession. Bien sûr, tout cela après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, qui donc peut intercéder si ce n'est après sa permission? Et dans l'autre verset, toujours dans le sens du verset, et ils ne peuvent intercéder que pour celui qu'il a gratifié ou dont il est satisfait. Et donc Allah est satisfait et il gratifie qui? Les gens de l'unicité du monothéisme qui font preuve d'unicité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah permet qu'on intercède pour ces gens-là. Mais les polythéistes et ceux qui font de l'association dans leur adoration, ils n'auront pas droit à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah a dit dans le sens du verset, et l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه اللهم انصر من صر الدين واخذل من خذل الدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فأعنه يا رب العالمين ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فاخذله يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا يا رب العالمين ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لهم تطبيق شرعك يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل خير واهدهم إلى صراطك المستقيم واجمع شملهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين ووفقهم لتطبيق شرعك يا رب العالمين اللهم واجعلهم رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك عند محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.